Introduction à la quête spirituelle. La quête spirituelle, une aspiration profonde qui traverse l'humanité depuis des millénaires, est un voyage intérieur vers la découverte de soi-même et du sens de la vie. Dans un monde où l'agitation et le matérialisme prédominent, de plus en plus de gens ressentent le besoin de se reconnecter à leur essence spirituelle pour trouver la paix intérieure et le bien-être. Cet article explore les différentes dimensions de la spiritualité, examine les principes fondamentaux qui la sous-tendent, présente les pratiques et les disciplines spirituelles courantes, et met en évidence l'importance de la quête spirituelle dans la vie quotidienne. En outre, il aborde les bénéfices et les défis liés à la spiritualité, ainsi que les enseignements et les guides spirituels qui peuvent accompagner ce cheminement. Découvrez comment la quête spirituelle peut nourrir votre âme et vous aider à trouver une harmonie profonde dans votre existence. 1.1. Qu'est-ce que la quête spirituelle ? La quête spirituelle, c'est comme chercher ses clés dans le fond de son sac à main, on sait qu'elles sont là quelque part, mais on doit fouiller un peu pour les trouver. Sauf que dans ce cas, les clés sont la signification de la vie et notre connexion avec quelque chose de plus grand que nous. C'est une recherche profonde et personnelle qui vise à trouver un sens à notre existence et à développer notre relation avec le divin, ou avec l'univers, si vous préférez. 1.2. L'importance de la quête spirituelle dans notre société moderne. Aujourd'hui, notre société est souvent obsédée par la réussite matérielle et la poursuite du bonheur à travers des biens matériels. Mais bon, qui a besoin d'une troisième voiture de luxe quand on peut être zen et content avec une tasse de thé et un bon livre ? La quête spirituelle nous permet de trouver un équilibre dans nos vies, en nous rappelant que nous sommes plus que nos possessions et nos réussites. Elle nous encourage à nous connecter avec les autres d'une manière authentique et aimante, et à trouver un sens plus profond dans tout ce que nous faisons. Alors, miser sur la recherche spirituelle, ça ne manque pas de style, et ça fait du bien au karma. 2. Les différentes dimensions de la spiritualité. 2.1. Spiritualité religieuse versus spiritualité laïque. La spiritualité peut prendre différentes formes, selon nos croyances et nos expériences personnelles. Certains la vivent à travers une pratique religieuse, tandis que d'autres préfèrent une approche plus laïque. Mais peu importe la manière dont on s'y prend, l'important c'est de trouver ce qui résonne avec notre être intérieur et ce qui nous donne un sentiment de connexion et de plénitude. 2.2. La spiritualité comme recherche de sens. La spiritualité est avant tout une quête de sens. Elle nous pousse à nous poser les grandes questions de la vie, qui suis-je ? Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce que tout cela signifie ? Elle nous invite à explorer nos propres valeurs, nos passions et nos aspirations, afin de trouver un chemin qui donne un sens à notre existence. 2.3. L'aspect transcendantal de la spiritualité. La spiritualité nous ouvre également à l'expérience du transcendantal. Elle nous permet de nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous, que ce soit à travers la nature, l'art, la méditation ou autre chose. C'est comme faire un pas en dehors de notre petite bulle quotidienne pour voir l'immensité de l'univers et se sentir humble et émerveillé devant tout cela. Alors, ouvrez grand vos yeux, et votre esprit, et préparez-vous à être transporté dans un autre monde. 3. Les principes fondamentaux de la spiritualité. 3.1. La conscience et l'éveil spirituel. La spiritualité commence par la prise de conscience de soi et de notre place dans le monde. Elle nous pousse à questionner nos habitudes, nos pensées et nos actions, afin de grandir et d'évoluer spirituellement. C'est comme faire une petite introspection, mais sans les spéculations psychanalytiques, pour voir où on en est et comment on peut s'améliorer. 3.2. La connexion avec le divin ou l'univers. La spiritualité nous invite à développer une relation avec le divin, ou avec l'univers, si vous préférez rester neutre. Cela peut se faire à travers la prière, la méditation, les rituels ou simplement en se connectant avec la nature. C'est un peu comme avoir un meilleur ami cosmique avec qui on peut discuter de tout et de rien, et qui nous soutient dans les moments difficiles. Alors, n'oubliez pas de prendre un peu de temps pour votre relation cosmique, c'est important pour votre équilibre spirituel. 3.3. L'amour et la compassion comme pilier spirituel. L'amour et la compassion sont au cœur de la spiritualité. Ils sont comme des super-héros capables de sauver le monde, un câlin à la fois. La spiritualité nous encourage à cultiver ces qualités et à les manifester envers nous-mêmes et envers les autres. Non seulement cela nous rend plus heureux, mais cela crée aussi une chaîne d'amour et de bienveillance qui se propage dans le monde. Et ça, c'est tout simplement génial, et ça donne un teint radieux. 4. Les pratiques et disciplines spirituelles. 4.1. La méditation et la contemplation. Ah, la méditation, c'est un peu comme un câlin pour l'esprit. C'est une pratique qui nous permet de calmer nos pensées, de nous recentrer et de nous connecter avec notre essence profonde. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez ces pensées stressantes s'évaporer comme de la fumée. Et si vous avez du mal à vous taire, on ne vous juge pas, vous pouvez toujours essayer la contemplation en observant un paysage magnifique ou une œuvre d'art stimulante. C'est un peu comme du yoga pour les yeux. 4.2. Les rituels et les cérémonies spirituelles. Les rituels et les cérémonies sont comme des danses sacrées qui nous aident à nous connecter avec le divin, ou avec l'univers, si vous préférez rester scientifique. Ils peuvent prendre différentes formes, selon nos croyances et nos traditions. Que ce soit allumer des bougies, faire des offrandes ou réciter des prières, ces rituels nous aident à créer un espace sacré où nous pouvons nous sentir plus proches de quelque chose de plus grand que nous. 4.3. Les enseignements et les études spirituelles. La spiritualité est une voie d'apprentissage et de croissance. Elle nous encourage à explorer différentes traditions, philosophies. 5. L'importance de la quête spirituelle dans la vie quotidienne. 5.1. L'équilibre émotionnel et mental. La vie quotidienne peut être tumultueuse, avec son lot de stress, d'anxiété et d'émotions en montagne russe. La quête spirituelle apporte un équilibre émotionnel et mental en nous aidant à faire face à ces défis. Elle nous donne les outils nécessaires pour gérer nos émotions et cultiver une stabilité intérieure, ce qui nous permet de naviguer avec plus de sérénité dans les hauts et les bas de la vie. 5.2. La recherche de la paix intérieure. Qui n'a pas rêvé d'une paix intérieure qui reste solide même lorsque le monde extérieur est agité? La quête spirituelle nous offre cette possibilité en nous invitant à explorer notre nature profonde et à cultiver un état d'esprit calme et paisible. Elle nous permet de nous connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes et de trouver un refuge intérieur, même au milieu des tempêtes de la vie. 5.3. L'épanouissement personnel et le bien-être global. La quête spirituelle est un chemin vers l'épanouissement personnel et le bien-être global. Elle nous pousse à nous connaître profondément, à nous libérer des schémas de pensée limitants et à nous ouvrir à de nouvelles perspectives. En développant notre conscience spirituelle, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante, alignée avec nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. 6. Les bénéfices et les défis de la spiritualité. 6.1. Les bienfaits sur la santé et le bien-être. La spiritualité peut avoir de nombreux bienfaits sur notre santé et notre bien-être. Des études ont montré que pratiquer une spiritualité régulière peut réduire le stress, renforcer le système immunitaire et améliorer notre qualité de vie globale. En prenant le temps de nourrir notre dimension spirituelle, nous prenons soin de notre bien-être physique, mental et émotionnel. 6.2. Les obstacles et les résistances à la quête spirituelle. Il est important de reconnaître que la quête spirituelle peut également comporter des défis et des résistances. Il peut y avoir des doutes, des peurs ou des incompréhensions qui se dressent sur notre chemin. Cependant, ces obstacles font partie intégrante du cheminement spirituel et peuvent être surmontés avec patience et persévérance. La clé est de rester ouvert d'esprit et de trouver notre propre voie, en suivant ce qui résonne le plus profondément en nous. 7. Les enseignements et les guides spirituels. 7.1. Les traditions spirituelles et leurs enseignements. Les traditions spirituelles du monde entier offrent une richesse d'enseignements et de pratiques qui peuvent nous guider sur notre chemin spirituel. Que ce soit à travers la méditation, la prière, le yoga ou d'autres pratiques, ces traditions nous transmettent des connaissances séculaires sur la nature de l'esprit, de l'âme et de l'univers. En explorant ces enseignements, nous pouvons trouver des réponses aux questions profondes qui nous habitent. 7.2. Les maîtres spirituels et les guides spirituels contemporains. Dans notre quête spirituelle, il est parfois utile d'avoir des guides et des maîtres spirituels pour nous accompagner. Ces personnes éclairées peuvent offrir des conseils, des perspectives et des pratiques spécifiques pour nourrir notre chemin spirituel. Que ce soit à travers des livres, des enseignements en ligne ou des rencontres en personne, les guides spirituels contemporains peuvent nous aider à approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En conclusion, la quête spirituelle est un voyage personnel et profondément transformateur qui peut apporter une multitude de bienfaits dans notre vie quotidienne. En cultivant une vie spirituelle épanouissante, nous sommes en mesure de trouver une paix intérieure, de développer notre conscience et de vivre avec un plus grand sentiment de connexion avec le monde qui nous entoure. que vous choisissiez de pratiquer la méditation, de vous engager dans des rituels spirituels ou de suivre les enseignements d'un guide spirituel, il est essentiel de prendre le temps d'explorer votre propre dimension spirituelle. Ouvrez votre cœur et votre esprit à cette quête, et laissez la spiritualité illuminer votre vie de manière profonde et significative. FAQ 1. Pourquoi devrais-je m'engager dans une quête spirituelle? La quête spirituelle peut apporter de nombreux bienfaits dans votre vie quotidienne. Elle peut vous aider à trouver un sens plus profond à votre existence, à développer une paix intérieure et à cultiver des relations plus harmonieuses avec vous-même et les autres. Elle peut également vous donner les outils nécessaires pour faire face aux défis de la vie et trouver un équilibre émotionnel et mental. 2. Quelle est la différence entre la spiritualité religieuse et la spiritualité laïque? La spiritualité religieuse est généralement associée à une pratique religieuse spécifique et basée sur des croyances et des dogmes religieux. La spiritualité laïque, en revanche, se concentre davantage sur la recherche de sens, la connexion avec soi-même et les autres, sans nécessairement être liée à une religion spécifique. Elle est souvent plus personnelle et flexible. 3. Comment puis-je commencer ma propre quête spirituelle ? Il existe de nombreuses façons de commencer votre quête spirituelle. Vous pouvez commencer par explorer différentes pratiques spirituelles telles que la méditation, la contemplation, la journalisation, ou encore lire des livres inspirants. Essayez d'identifier ce qui vous nourrit sur le plan spirituel et faites de ces pratiques une partie régulière de votre vie. Il peut également être bénéfique de rechercher des enseignements ou des guides spirituels qui résonnent avec vous et peuvent vous guider dans votre cheminement spirituel. Page 1, nous allons parler de l'instant présent. Page 1.